pour la doublette suivante, Nornir et Phobocosme. Pareil, des groupes que l'on sait déjà écoutés, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Nornir nous permet tout simplement de quitter en douceur ou pas l'aspect française. Nornir, c'est du black qui nous vient d'Allemagne, actif depuis une petite dizaine d'années. C'est le second album studio qui vient de sortir. La tête pensante de la formation depuis le début, c'est une femme. Elle s'occupe également des lignes vocales et de la guitare rythmique. Le parallèle se fait assez aisément avec des groupes tels que Darkneid, Nocturne, Southern Cult ou autres Azagrom. On est sur un black viscéral, frontal, avec une petite dimension pagane, cependant, avec quelques petites atmosphères et ambiances sur l'ensemble. Et encore un groupe qui propose une cover dans son album. Là, c'est une reprise de Wardruna que l'on retrouve au milieu. Voilà, ce qui fait une coupure dans la vélocité globale de l'album. Et ça reste cependant très pertinent. Phobocosme, ensuite, c'est du Death qui nous vient du Québec. La formation est active depuis une quinzaine d'années. Le troisième effort studio est sorti chez Dark Descent Records. On est sur du Death même un peu doomisant, hein, presque du Cavern Death, à la sauce des vieux Incantation et autres, même Father Befold. Des gros low au niveau des parties de chant, un peu à la Ross Dolan de Immolation. Voilà, c'est ce qui va rajouter à cet aspect vraiment caverneux du son de Phobocosme. Au niveau de la diff, on va s'écouter tout de suite le morceau Crips Rop, extrait de l'album Skuld de Nornir. Phobocosme ensuite, Everlasting Void, extrait de l'album Foreordained. Et on s'écoute ça maintenant. We'll be right back. Infernal Execrator, et ouais, ça en dit long, c'est le groupe qui va ouvrir la doublette suivante. Infernal Execrator, comme son nom l'indique, c'est du War Black, ça nous vient de Singapour, énorme influence Impiety forcément derrière. formé en 2005, hein, bientôt 20 ans d'expérience pour cette petite formation, qui nous sort son nouvel effort studio, toujours chez Pulverized Records, un label qui nous vient de Singapour. Voilà, ça rigole zéro du début à la fin, une bonne petite boucherie comme on aime. C'est cependant suffisamment varié pour qu'on ne s'emmerde pas et que ça soit pas juste de la violence gratuite et redondante. C'est absolument parfait. Detached, ensuite, ça nous vient d'Espagne, on est sur Hardcore, Hardcore Beatdown. Un nouvel EP a vu le jour, on va pas s'étaler pendant des heures sur le sujet. 6 morceaux pour casser des bouches pendant un petit quart d'heure. Au niveau de la musique, on va s'écouter Infernal Desecrator, Terrorize Consecration, extrait d'album Diabolatrie. Detached, All the Hate, I Know Your Place, ça c'est le nom de l'EP, et on s'écoute ça immédiatement. Yeah! Pour la suite, eh ben, on va se clôturer la presque fin d'émission de ce soir au niveau de la diff classique avec Discarnage, une toute récente formation qui nous vient d'Indonésie. On est sur du bon gros brutal death, ça tartine avec une violence absolument incroyable, une sortie Pathologically Explicit Records, 9 titres pour 25 minutes d'une tartine de gras bien salace. C'est classique mais c'est ultra bien fait et les lignes vocales sont juste absolument énormes. Voilà, on va s'écouter le groupe tout seul puisqu'après sur la suite de la diff, vous verrez, il y a quelques petites particularités. Discarnage, et donc je n'ai pas annoncé le titre qu'on allait s'écouter tout de suite. Ce sera le morceau Decompose with Fecal Waste, extrait de l'album Devouring the Unscrupulous Depravity. Ça aurait vraiment été dommage de passer à côté de ça. Et donc la petite bascule avec cette fin d'émission pour aujourd'hui, c'est qu'on va faire un petit peu de promo pour les concerts à venir, et puis continuer cette petite séance rattrapage des très très bonnes sorties 2023, que malheureusement pour des histoires de calendrier, de disponibilité, de place dans l'émission, on n'a plus l'occasion de vous diffuser, mais c'était tellement bon qu'il fallait forcément qu'on revienne dessus. Tout d'abord la partie promo avec la doublette Corruption Pact et Sanctuary. Bien sûr deux groupes que vous retrouverez vendredi prochain, le vendredi 26 janvier au Canadian pour une nouvelle orga Something for the Youth. Voilà, de la bonne grosse bagarre. Corruption Pact ça nous vient de Paris, Sanctuary ça nous vient de Rouen. Et voilà, la date, je crois, est complète ou presque. Voilà, un système de pré-vente a été mis en place tellement c'était excitant. Parce qu'on va surtout parler de la tête d'affiche dans la doublette suivante. Corruption Pack, on va s'écouter le morceau Swindle Them et Vacant Existence. C'est extrait de leur démo sorti l'année dernière. Sanctuary, ensuite Bleeding Earth, extrait de l'EP Forever, sorti l'année dernière. C'est parti. Et donc pour clôturer la promo pour le petit concert du vendredi 26 janvier au Canadian, une soirée organisée par les bons copains de Something for the Youth, on va s'écouter Restraining Order, oui, le groupe ricain qui a d'ailleurs donné son nom à l'assaut Something for the Youth, nous a sorti l'été dernier chez Triple B Records, Locked in Time, nouvel effort studio, malheureusement sorti en plein mois de juillet, on a une tellement forte rentrée en termes de sortie hardcore qu'on est complètement passé à côté de cet album pourtant génial. Another Bitter Day, c'est le titre qu'on va s'écouter de Restraining Order. Panopticon en doublette avec Restraining Order. Panopticon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette formation? Pareil, on est toujours dans la séquence rattrapage l'année dernière. C'est un one-man band américain. On est sur du Cascadian Black, voilà, le pur black américain. À tendance un petit peu folk, le 10e effort studio est sorti en fin d'année dernière, une quinzaine d'années d'existence. Un peu dur à diffuser, hein, en plus, voilà, avec encore une fois la fin d'année ultra chargée qu'on a eu en termes de sortie qualitative. Les morceaux font entre 9 et 20 minutes, il n'y en a que 5 heureusement. Là on a l'occasion de caler un des morceaux les plus courts, entre très gros guillemets. Un black très éloquent, Cascadian comme on l'a dit, assez planant, frontal et pas mal de petits arrangements folk avec du violon, du piano, etc. On s'écoute ça tout de suite donc. Alors pour les titres, précisément, Restraining Order, Another Better Day, comme j'ai dit, Panopticon, An Autumn Storm, extra d'album The Rim of Memory. Et c'est parti. We're gonna make it. Et la doublette de clôture de ce soir, c'est une doublette de rattrapage, une doublette intéressante de par son grand écart musical. Nous aurons tout d'abord Nissing. Alors peut-être êtes-vous passé à côté de cette formation en fin d'année dernière. Nous on se l'était noté et puis encore une fois pris dans le tumulte des sorties, on est un peu passé à côté au moment de se le diffuser. C'est un one man band, on est sur du brutal death américain actif depuis une dizaine d'années. Et le premier véritable album est sorti en juin chez New Standard Elite. C'est le projet de Monsieur Matt Kilner, un batteur que l'on retrouve chez Gorgasm et Vitriol. Voilà, il a intégré Vitriol il y a quelques temps seulement. Et là, on a eu un petit 9 titres pour 23 minutes, hyper éprouvante. Un death absolument incroyable, à la croisée d'un Portrayal. Ça va vraiment chercher très très loin dans le brutal death, et je pense que c'est une des meilleures sorties en la matière. On est très très loin d'un brutal death à la Suffocation, hein. On est vraiment dans la recherche ultra brutale, extrême et intense au niveau de l'écoute. Voilà, si vous aimez vraiment les trucs barrés, lourds, justement à la sauce Gorguts, tout ça, foncez, vous écoutez Nissing. Ça dure pas longtemps et c'est pas plus mal. Et en clôture, on aura le groupe venu de Brest, Coupe-Gorge. Je suis pas sûr qu'on ait déjà diffusé beaucoup de groupes dans ce style là. On est sur du punk hardcore à tendance oi, à la sauce squelette par exemple. Et le groupe en septembre a sorti son troisième effort studio, 10 ans d'existence, une douzaine de titres avec toujours des textes en français. C'est efficace, c'est tubesque, c'est du sing-along, et puis c'est toujours hyper vindicatif textuellement, coupe-gorge. Au niveau de la diff, Nissing, Cystic Ovarian Burial Ground, extrait de l'album Agonal Hymn, coupe-gorge, une doublette, au fond de cette prison, enchaînée à obus dans les rues, extrait de l'album Silence de Mort. C'est parti, excellente fin de soirée à tous et à tous, et on se retrouve dans la bagarre suante du Canadian ce vendredi pour la soirée Something for Your Youth, Genocide Pact, Sanctuary et surtout Restealing Order. Ciao ciao. Enfant, je sais, prison.